Le balcon par Maurice Renard. Pour la 15e fois, l'aurore me trouva debout, forcené, remâchant ma disgrâce et parcourant d'un pas rageur cette même chambre à l'étroite fenêtre grillée où Morival avait vécu pendant 2 ans. Oui, là, 15 jours plus tôt, la puissance de ma faveur maintenait encore l'arrogant, l'imbécile Borso Borsini que j'avais supplanté auprès du prince et que je remplaçais aujourd'hui dans la tour des seigneurs, cette Bastille de Bérance. Mon dépit persistait, aussi âpre, aussi violent que la nuit même du scandale. Le dépit le plus amer qu'un homme puisse souffrir. Car j'avais beau couvrir d'injures le petit potentat vaniteux et tyrannique qui s'était permis de me rejeter, je sentais bien que ma chute n'était due qu'à moi seul. Et cette pensée me faisait blêmir de fureur, serrer les dents, crisper les poings dans mes poches soyeuses et marcher, marcher, marcher jusqu'à m'étourdir de la porte épaisse à cette fente où l'aube glissait. Ainsi, moi, j'avais laissé la fortune m'aveugler, moi, dont l'astuce et la patience avaient porté si haut la destinée. Je m'étais endormi dans le faste et mon orgueil, mon insupportable orgueil, m'avait perdu. Tombé d'un coup, d'un seul, pour une sottise, une bravade, moi, le favori, moi, le roi de la mode, moi, Caradossa, enfin. Enivré, vous dis-je, j'étais enivré, saoulé de pouvoir, gorgé d'honneur, et je ne voyais pas, tant j'étais sûr de l'affection de Teodoro, non, je ne voyais pas sa lassitude grandir et ma ruine se dessiner. D'un coup, d'un seul, non. La bonbonnière n'avait été qu'un prétexte, et mon impertinence qu'une occasion. Maintenant, à force de repasser sans cesse, les dernières péripéties de mon règne, j'apercevais les indices, les symptômes, tous les témoignages qui auraient dû me révéler l'impatience de sa hautesse. La vase qui était remplie, cette bonbonnière, en tombant, l'avait fait seulement déborder. En vérité, c'était bien la peine d'avoir joué si longtemps un rôle odieux, un rôle si contraire à mon humeur. Mais quoi? Ne fallait-il pas, pour perdre Borso Borsini dans l'esprit de Teodoro, ne fallait-il pas offrir au prince des plaisirs nouveaux, des jeux tout à fait différents de ceux dont l'amusaient son familier? Avant d'ourdir la dernière perfidie qui devait envoyer Borso dans la tour des seigneurs, ici même, mordieu, ne devais-je pas d'abord abaisser son crédit? Ne devais-je pas, moi, Caradossa me substitua à lui en divertissant sa hautesse par un caractère opposé à celui de Borso, puisque je me sentais incapable de le battre sur son terrain. Ah, si mieux que lui, ce spadassin, j'avais su tirer l'épée, prendre la mire du mousquet ou manier un cheval. Mais c'était là des exercices où le corse me surpassait, et dont le prince Teodoro s'était d'ailleurs singulièrement épris sous son empire. Singulièrement. Quand j'arrivai à la cour de Vérance, la faveur de Borso Borsini se traduisait par un grand cliquetis de lames, un tonnerre de poudre, un concert de cor et de hennissement. L'escrime faisait floresse, l'équitation était à la mode, chasser à tir ou chasser à court emplissait les cœurs d'enthousiasme. On raffolait de longues pommes, bref, la brutalité triomphait de la délicatesse. Ferrailler, parbleu, monter un genêt, abattre une outarde, moi aussi, ah oui, j'aimais cela. J'aime surtout galoper. J'aime franchir les haies et les douves, bondir à travers bois, emporté par l'effort d'un coursier vigoureux. Ou bien, j'aime presser, dans l'enclos des carrières, le flanc d'une monture qui danse et piaffe, sans l'aide et retombe à mon gré, faisant la balotade après la carriole. Ah oui. J'aime moi aussi le vent, les escalades, la souplesse et la force, la sueur sur les muscles nets et la bonne fatigue d'une rude journée. Eh bien, tout cela, je l'ai sacrifié à mon destin. Je l'ai dissimulé soigneusement parce que Borso Borsini était un âne, une brute, maladroit au menuet, incapable d'un madrigal, qui ne savait que rire bêtement au son d'une ariette ou devant un tableau. Ma figure plaisait à sa hautesse, j'en étais assuré. Dès que j'eus embrassé le spectacle de sa cour, j'abordai résolument mon entreprise et je feignis que tant de matérialité me choqua. En même temps, j'affectai de chérir au-delà de tout la musique et la poésie, la peinture et la statuaire, et d'attacher le plus grand prix aux choses de la grâce et du goût. Je m'obligeais à me vêtir avec une recherche inimaginable. Mes perruques vinrent de Paris, mes jabots des Flandres ou des Pays-Bas. J'inventais des parfums, des bijoux et des danses. On me vit jouer d'un petit éventail peint à la gouache, porter un manchon, flatter d'horribles chiens de la Chine qu'un laquais menait derrière moi au bout de laisses emperlées. Le son d'un clavecin me faisait pâmer. J'excellais à chanter moi-même des vilanelles et des barcaroles en m'accompagnant sur la guitare. Je rimais, pour les dames, des quatrains galants et subtils. Enfin, je laissais voir une aversion craintive et des plus distinguées pour toute la rudesse d'où Borso Borsini tirait le plus clair de ses avantages. Il n'en fallait pas tant pour grouper autour de moi maintes femmes avides de douceur, nombre de beaux esprits trop faibles pour briller et force gens plus avisés qui vinrent à mon élégance, voyant que le prince commençait à l'apprécier. Mon étoile monta. Sa hautesse Théodoro, prince de Vérance, m'illustra de son amitié. Bientôt les maîtres d'armes, les armuriers et les marchands de chevaux se rencontrèrent pour me maudire, tandis que les artistes, les luthiers et les maîtres à danser me tressaient des couronnes. J'eus mes clients à l'exemple des principaux romains. Sa hautesse me faisait l'honneur de copier mes ajustements. Elle imitait mes intonations et mes gestes. Ses tabatières s'emplirent de mon tabac d'Espagne. Elle s'enticha de poèmes et d'opéra, de canets de dentelle, de perroquets et d'ouistiti. Alors il suffit que je fusse enrhumé pour que toute la cour nasilla. Borso Borsini était vaincu. Pour achever sa défaite, un courtisan de mon parti n'eut qu'à le diffamer quelque peu. Le prince, sans plus de forme, relégua dans la tour cet intrigant qu'il avait, disait-il, berné, circonvenu et entraîné dans la funeste voie de l'ignorance et de la barbarie. Quand je me rappelais l'incroyable bonheur des temps qui suivirent, quand mon élévation m'apparaissait à moi, moi prisonnier, moi qui présentement tournais comme une bête capturée dans un réduit de 12 pieds carrés, mon désespoir prenait une telle force que je l'éprouvais comme un effondrement charnel où mon corps s'affaissait. Oui, j'ai régné, me disais-je. Oui, j'ai fait virevolter selon mon caprice le souverain falot d'un état respectable. J'avais mon carrosse, mon palais. Je puisais dans la caisse publique. Les ministres comptaient avec mes lubies. Ma main couverte de bagues a fait dévier parfois la politique du monde. Et puis, cette bonbonnière est tombée. Et la scène se déroulait dans ma mémoire pour la millième fois. Je revoyais la fin du jeu de Pharaon. J'avais gagné presque insolemment. La table était brillante. Pendant la partie, j'avais raillé sans mesure le malchance de Théodoro. On se leva. Le moment était venu de se séparer. Mon mauvais destin voulut que le prince et moi ne fussions entourés que de femmes. Je tirai d'un gousset ma bonbonnière. Elle tomba. Alors, ivre de moi-même, comprenez-vous, je regarde le prince d'un air hautain, lui montrant l'objet d'or sous les dalles, et lui disant de ma folie, d'un ton d'attente et de surprise, « Eh bien, Théodoro !» Mais une femme, et c'était la douce et tendre Delia, une femme, épouvantée de mon audace, ramassa la bonbonnière. « Elle fit cela, une femme !» Mais le prince la lui prit des mains. « Madame, lui dit-il, je ne souffrirai pas. » Puis s'adressant à moi sans me tutoyer et très pâle, « Je vous ferai, monsieur, je vous ferai tenir ceci tout à l'heure, par qui de droit ?» Interloqué, je pivotais sur mes talons rouges. « Mes gens !» demandai-je d'une voix qui s'assurait. Peu après, des exempts me rapportaient la bonbonnière avec l'ordre d'avoir à les suivre sur l'heure. Et je les avais suivis jusque dans la tour des seigneurs, la vieille et haute tour carrée d'un rouge sombre qui domine la place du palais. Et depuis 15 jours, je me consumais de honte et de colère. Et depuis 15 jours, chaque matin, un joli m'apportait un billet scellé du cachet particulier de sa hautesse, un billet que chaque matin, raidi dans mon amour-propre, je froissais et jetais par la fenêtre. Êtes-vous disposé à me demander pardon? Telle était la question quotidienne que le prince Théodoro me posait. Ce jour-là, le billet me parvint beaucoup plus tôt qu'à l'ordinaire. Véran s'éveillait à peine. J'entendis son murmure croître avec l'aurore, et la fenêtre me montrait le spectacle barré de la somptueuse ville rouge et noire sortant de l'ombre. Je rompis la cire écarlate où le cachet princier avait moulé l'image du saint debout sur un crocodile, et je lus, pour la dernière fois, demandez-vous merci. » Mais le joli me tendait silencieusement une feuille de lierre. Je la pris. Une aiguille l'avait pointillée de trois mots et d'un signe. Emblème, elle disait « Constance ». Et message « Péril, soumettez-vous ». Le monogramme secret de Delia m'instruisait de sa provenance. L'homme, cependant, attendait ma réponse, et cette fois, j'hésitais. Un péril? Quel péril? N'étais-je pas en prison? Et n'était-ce point même un châtiment disproportionné à ma faute? Coupable seulement d'avoir plu et déplu, n'expiais-je pas de façon démesurée mon adresse d'abord et puis ma maladresse? Soit. Mais n'avais-je pas humilié un prince vindicatif? Et Borso Borsini n'était-il pas rentré en grâce auprès de lui? Borso Borsini, que les calomnies de mes partisans avaient fait incarcérer dans cette chambre? Je restais pensif, regardant par la fenêtre. Le campanile de San Gabriele se découpait sur l'Orient. Je dénombrais mes ennemis. Je me rappelais les brocards où l'ironie des pamphlétaires narguait cette coquetterie efféminée, cette sensibilité de petite maîtresse dont j'avais fait le comble du bon ton. Le peuple ne m'aimait pas, et j'avais rendu le prince impopulaire. Que de bévues, quelle imprévoyance! Cette idée de mes fausses manœuvres m'exaspérait. Ma rage, un instant assoupie, se réveilla. À force de jouer le lunatique et le capricieux, j'avais fini ma foi par le devenir tant soit peu. Devant le geôlier impassible, je fis une boulette de l'auguste billet, et je la lançai dédaigneusement dans l'espace. Voici ma réponse, dis-je avec arrogance. Cela fut cause qu'on m'amena sur le balcon. Vers 1 heure après-midi, plusieurs valets me vinrent quérir, en qui je reconnus, non sans effroi, les exécuteurs des sentences. Hébété, pensant qu'on allait m'interroger et m'appliquer la question, je me préparai à descendre vers les basses fosses de la tour. Mais au contraire, on me fit gravir, d'étage en étage, un escalier tournant. Cette ascension me parut interminable. Enfin, nous pénétrâmes dans une salle entièrement nue et des plus ténébreuses, et j'entendis au dehors une rumeur confuse. Brusquement s'ouvrit une porte, et par cette porte, je ne vis que le ciel ardent, le ciel italien qui était bleu comme le sang et rouge. Une clameur immense s'éleva du fond de l'inconnu. La clarté soudaine avait blessé mes yeux, habitués au demi-jour de ma chambre. J'aperçus cependant, à travers mes cils, que l'ouverture donnait sur un balcon dépourvu de garde-fous. On me poussa vers l'abîme. L'instinct me roidit. La terreur me rejetait en arrière avec une force dont je n'avais pas le gouvernement. Mais une voix prononça « Monseigneur, je vous le jure par le Père Tout-Puissant, vous ne serez pas précipité. » Cette voix était honnête et loyale. « Alors, balbutiai-je en tournant la tête, qu'est-ce cela ?» Trois Hercules taciturnes m'entraînaient en avant. Ils m'amenèrent au seuil du balcon. Une seconde clameur, plus formidable que la première, salua mon apparition, et la porte fut refermée derrière moi. D'un coup d'œil, j'avais compris. Fouetté de haine, grandi d'orgueil, tout mon être se redressa. Et du sommet de ma dignité, j'abaissai mes regards vers le gouffre. À 100 pieds au-dessous de moi, la place du palais, couverte d'une foule minuscule, semblait le fond d'un puits dont les bords eux-mêmes étaient lointains. Plus haut, en face de la tour, s'étalait la terrasse du palais, et sur cette terrasse, je pouvais distinguer une réunion d'hommes et de femmes vêtus de costumes chatoyants. Des ombrelles, jaunes, bleu pâle ou roses, bougeaient de ci de là. Le prince était assis sous une manière de découleur d'orange. Près de lui, penché sur son épaule, un cavalier de belle prestance. Borso, mon rival, me regardait. Ils me regardaient tous, la face levée. Tous, ceux de la place, ceux des fenêtres et des terrasses. Certains criaient vers la tour « Caradossa, Caradossa !» et des insultes. Et Caradossa comprenait. Le vertige. Mon épreuve, double, était d'être exposé et d'avoir le vertige. Ah, Théodoro! Ingénieux et cruel, mais stupide, Théodore. Tu te souvenais des faiblesses puériles, des craintes maladives dont j'avais donné tant de preuves durant ma vie de délicat. La vue du sang, n'est-ce pas, m'offusquait jusqu'à l'évanouissement. Je redoutais l'eau profonde et le vide. Ah, le vide surtout m'épouvantait. je fuyais les terrasses, n'est-il pas vrai? Et quand les jours de Tout-à-fait ou de Carousel, quand il fallait paraître sur le grand balcon du palais, aux côtés de ta hôtesse, ne m'écriais-je pas, en fermant les yeux, que le vide m'attirait et que le vertige me mettait aux genoux des jarretières d'angoisse? Ainsi donc, voilà ta vengeance, un pilori vertigineux. Pauvre sot, pensais-je, tu as voulu repaître tes sujets du festin de ma dégradation. Tu me voyais déjà tremblant sur cette corniche. Tu m'entendais hurler d'énervement et de terreur. Eh bien, regarde-moi. Et le poing sur la hanche, je m'avançais jusqu'au bord de la pierre, puis, tranquille et froid, j'examinais l'étendue monstrueuse. Pérance, la ville rouge et noire, ses églises, ses dômes et ses campaniles s'aplatissaient sous mes yeux, tels qu'on en eût dessiné la vue cavalière. En bas, Bérance, la population multicolore et bruyante, s'agitait. Des halbardiers, portant la livrée bariolée que j'avais composée naguère, contenaient l'affluence autour d'un espace désert. Là, juste sous le balcon, au pied même du précipice de la tour, le dallage libre enchevêtrait les dessins de sa mosaïque. On avait prévu que je pouvais tomber. C'eût été là, en effet. J'y laissais choir ma fameuse bonbonnière par dérision. Après quoi, nonchalamment appuyé contre la porte, je m'éventais d'un fin mouchoir brodé, car le soleil brûlait mon étrange prison. Alors, je sentis que la pierre se mouvait sous mes pieds, et je ne pus retenir un sursaut. Remuait-elle vraiment? Immobile, durci par une attention farouche, je mis tous mes sens aux aguets. J'entendis, à l'intérieur de la tour, un bruit confus de rouage, et je vis que, doucement, avec une lenteur sournoise, mon support rentrait peu à peu dans la muraille. Un frisson, hideux comme le grouillement d'une vermine glacée, m'habilla des pieds à la tête. L'affolement gagnait mon cerveau. Je le maîtrisais d'un effort géant. Après tout, cette machination pouvait n'être qu'un raffinement. La pierre cesserait de se retirer quand la plateforme ne serait plus qu'un rebord, et la porte alors s'ouvrirait devant ma délivrance. La porte, inébranlable pour le moment. Ma pensée n'y rencontrait qu'un mur de bois. Et le mur de pierre rouge, le mur aveugle et rocheux, ne présentait ni saillie ni rentrant. Il fuyait à pic. Je levai les yeux. Le faîte de la tour était hors de portée. Des figures sérieuses, oh, terriblement sérieuses, s'y penchaient vers moi. Et la pierre se retirait toujours. Ma console se rétrécissait. Un silence extraordinaire honorait mon supplice. Je sus qu'il était temps de se préparer à la lutte, peut-être même à la mort. Mais la lutte en premier. J'hésitais à retirer mon habit. Un reste d'orgueil me retint, et je me contentais, pour tout branle-bas, d'ôter mes bagues et de les glisser dans mes poches. Cela fait, craignant de perdre l'équilibre, je me couchais tout du long. Déjà le balcon n'était plus assez large pour mon corps, et sa retraite incessante me pressait contre la porte. Je me rendis compte que bientôt, si je demeurais ainsi, la suprême manœuvre me serait interdite et je résolus de l'accomplir sans plus tarder. Saisissant à pleine main la tranche de la pierre, je me laissai pendre dans le vide. Toute ma vie, ah, toute ma vie, j'entendrai le cri aigu, le cri de femme qui perça le silence venant de la terrasse du palais. Délia, Délia, mon cher cœur, Délia, ton désespoir avait trahi ta passion. Ah, comme je t'ai chéri à cet instant, où seul devant un peuple insensible, j'allais mourir affreusement. Je voulus te crier « Adieu, Délia ». Mais de mon salut de tendresse, je ne perçus qu'un râle d'agonie. L'attraction du sol étirait mes membres. Ma tête bourdonnait. Des picotements infernaux m'envahissaient de toutes parts. Mon crâne était une ruche et mon corps une fourmilière. Puis, je fus une statue de plomb, suspendue à des mains de glace. Soudain, mes doigts touchèrent la muraille, et la muraille se mit à les repousser. Et la muraille était contre moi, brûlante et rugueuse, et mes yeux déjà ne la voyaient plus. C'est alors, au moment où j'allais lâcher prise, c'est alors que mes poignets furent saisis par des mains robustes et que je perdis connaissance pendant qu'on me hissait comme un cadavre. Le soir même, à l'heure où le firmament complète sa parure d'étoiles, je montais, chancelant, dans une chaise de poste qui devait me conduire, sous escorte de cavalerie, hors des états du prince Théodoro. Je m'abattis sans force sur les coussins de cuir. Mes ongles saignaient encore, et mes doigts endoloris gardaient pour toujours l'illusion de se cramponner à quelque chose de dur et d'anguleux. Une détresse en nom m'anéantissait, mais ni l'exil, ni la disgrâce, ni la misère n'en étaient la cause. Délia, de tous les biens qui m'étaient ravis, c'est toi seul maintenant que je regrettais. Et je pleurais amèrement, car je ne savais pas que ce petit valet, blotti près du cocher, n'attendait, ô Délia, que le demi-tour des gendarmes de sa hôtesse, pour sauter du siège et m'offrir à la portière, dans la clarté du jour levant, ton visage perdu d'amour. Ainsi s'achève Le Balcon par Maurice Renard.